qui sera ma première radio pour ce genre de projet. Et ben voilà, et Lou t'avais reçu donc pour parler de tout ça et t'avais suivi quand même un petit bout de temps. Lou, bonjour. Bonjour Lia, bonjour Cosmos, bonjour aux auditeurs. Et oui, on est ravis de te réécouter, hein. Ça fait un moment qu'on ne t'a pas entendu sur les ondes. Oh là oui, j'avais même complètement oublié à quoi ressemblait un micro. Ça ne s'oublie pas, ça c'est comme le vélo. Alors Cosmos, eh bien, on vient d'entendre NAH, hein, que l'on ne présente plus, de ton EP plus que des paroles qui est sorti eh bien, quelques temps maintenant. Depuis quand est sorti cet EP? Bah, il est sorti le 4 mai 2018. D'accord. Et il est sorti au mois de mai de 2019 sur les plateformes. Et depuis juin, juillet de cette année, il est en rupture de stock, le CD. Eh ben voilà. Ne cherchez plus à vous le procurer, ça se passera bientôt. Tu vas refaire une réédition de cette EP pour les gens qui en ont envie. Alors là, je ne sais pas du tout parce que c'est de très, très gros projets. Oui. Et mon projet numéro un, c'est de dire non au harcèlement. Tout à fait. Faire des scènes pour rencontrer les personnes qui sont victimes de harcèlement et essayer de faire plus d'interventions dans les milieux scolaires, parce que j'ai fait une intervention au mois d'avril, si je me trompe pas, au lycée d'Arol. D'accord. Et cette intervention était magique. Ouais. Parce que les élèves ont tout de suite pris la parole. Et il y a eu beaucoup d'émotions dans ce concert, il y a eu beaucoup d'émotions. Et d'un côté, ça a permis aux jeunes de ce lycée d'ouvrir la parole. Et aujourd'hui, ils me suivent. Eh ben voilà, c'est super. Est-ce qu'à travers toutes ces interventions eh bien, au milieu scolaire, tu rencontres des jeunes qui arrivent un peu à se libérer avec toi et qui ont vécu un peu... la même chose, ce harcèlement? Oui. Au lycée d'Arol, quand j'ai fait l'intervention, après le concert, il y en a qui se sont confiés. Oui. Et ça m'a fait plaisir de les aider. Oui. Et même après les concerts, il y a toujours au moins une personne qui me contacte sur Facebook, qui me parle du harcèlement qu'elle a subi. Et je lui donne des conseils et je fais de mon mieux pour qu'elle se sente mieux. Les conseils, on en donnera hein, peut-être tout au long de cette émission, parce que peut-être que à l'autre bout du poste ou de son site internet, ah non, c'est peut-être pas encore d'actualité, je sais pas, je vais couper ça, on sait jamais. Peut-être qu'à l'autre bout de l'écoute, il y a des personnes qui sont victimes de harcèlement. Et le harcèlement, eh bien, c'est un vrai fléau et ça ne touche pas que les enfants qui en sont victimes, même si ce sont bien sûr les principales victimes, et on les embrasse très très fort, on leur souhaite vraiment beaucoup de courage, libérez-vous, parlez-en, ne restez pas dans ce huis clos et dans ce tabou. Ça touche aussi les parents, hein, parce que quand on a un enfant qui est victime de harcèlement, ça doit être très très difficile. Donc peut-être qu'au fur et à mesure de cette émission, on peut donner un petit peu des conseils à tous ces gens qui nous écoutent. Et les chiffres du harcèlement, eh ben, ça fait très très peur, hein. C'est plus de 700 000 élèves qui en sont victimes de harcèlement scolaire en France, soit près d'un enfant sur 10. En tout cas, ça c'est des chiffres un petit peu officiels. Donc j'imagine qu'il y a encore tous ces enfants qui n'ont pas parlé, qui ne sont pas en compte dans ce chiffre, et ça fait vraiment très très peur et très très mal. Alors depuis combien de temps tu as décidé de te lancer dans cette lutte contre le harcèlement et de parler de ça? Alors j'ai commencé à m'intéresser à la lutte contre le harcèlement en 2015. Après le reportage Souffre-douleur, il se manifeste. Donc quand j'ai vu ce reportage, c'est à partir de là que je me suis dit « Ah, je ne suis pas tout seul ». Et c'est après les crises d'angoisse hyper aiguës que j'ai faites malheureusement en 2015, dont une qui a nécessité une hospitalisation. Oui. Et à ce moment-là, quand mon psy m'a dit que c'est le harcèlement scolaire que j'ai subi qui est source des crises d'angoisse hyper aiguës que j'ai faites, je me suis mis dans l'écriture et je me suis fait repérer parce que je n'osais pas trop me mettre en avant. Et c'est des personnes qui, comme Nora Fraisse et mon prof de musique, qui m'ont dit « Ah non, non, non, faut que tu ailles vers l'avant ». Et aujourd'hui, ces personnes qui m'ont mise en avant me suivent encore. Et ça, Ça me fait plaisir. J'imagine que quand on écrit sur son histoire, hein, que ça y est, on a le déclic, on veut se libérer, on pose des mots, ça doit vraiment être un vrai exutoire de faire ça, d'écrire sur ce qu'on a vécu. NH, je l'ai écrit en même pas une heure. En une soirée, vraiment, c'est sorti tout seul comme ça. Parce que j'ai entendu parler d'une journée nationale contre le harcèlement scolaire en 2015. Et c'était la première. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, faut que je fasse quelque chose. Je veux m'exprimer. Et c'est à partir de là que NAH est né. Et oui. Et voilà, on remercie encore Lou de t'avoir donné la parole l'année dernière et d'avoir un petit peu diffusé ce morceau qu'on a pu retrouver vraiment sur beaucoup d'endroits. Parce que vous voyez, comme tu le dis, c'est un petit peu le bouche à oreille qui a fait se propulser ce morceau NAH dont on a beaucoup entendu parler. Alors comment ça s'est passé, Lou, l'année dernière quand tu as reçu Cosmos la première fois? On le félicite quand même parce que, comme tu le disais, tu as vraiment des moments d'angoisse assez profondes. Voilà, suite, à ce harcèlement, hein, c'est une, j'ai perdu le mot, c'est une réalité. Par exemple, c'est aussi un. Bon, je retrouverai pas si ça me fait tilt, je vous en parlerai. Comment ça s'est passé la première fois que tu as rencontré Cosmos? Est-ce que tu avais déjà entendu parler de harcèlement? Alors oui, j'avais déjà bien entendu parler de harcèlement. Même si on dit un enfant sur dix subit du harcèlement à l'école, enfin un enfant sur dix qui se manifeste, forcément j'ai connu des enfants qui ont été victimes de harcèlement. Je pense aussi que j'en ai vécu, mais là n'est pas la question. J'ai enseigné aussi, donc forcément j'ai quand même connu ces situations sous différents angles. Mais après, en fait, la manière dont j'ai connu Cosmos, c'était pas vraiment attendu par rapport au harcèlement. En fait, c'est juste Cosmos qui est venu nous contacter pour dire je sors mon premier EP, est-ce que ça vous dirait qu'on en parle? Et c'est au fur et à mesure de l'émission et de la discussion que je finis par me rendre compte que il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus intéressant. Il y a plus de choses qu'on l'imagine qu'un simple univers artistique et qu'un simple EP. Il y a tout un combat, toute une cause qui est portée par ce jeune homme qui est avec nous aujourd'hui dans les studios. Et oui, c'est vrai que, en plus de l'énorme affection que j'ai pris pour Cosmos, j'ai quand même un petit peu pris sous mon aile au niveau radiophonique. Voilà, il y a une amitié qui est née aussi. Et il y a quelque chose qui est né qui a fait que j'ai eu envie de l'encourager, que j'ai eu envie de le soutenir. Et puis après, je l'ai poussé à aller voir aussi d'autres médias. Mais il le fait maintenant très bien tout seul comme un grand. C'est très important, très intéressant ce que tu dis parce que tu as été enseignante. Oui. Est-ce que tu as pu, à un moment donné, est-ce que tu as rencontré ce harcèlement, pas en étant victime en tant que professeur, parce qu'on imagine aussi que les profs peuvent subir une certaine forme de harcèlement d'ailleurs. Grosse pensée à tous les professeurs et même tout le corps enseignant qui subit des grosses pressions. Le nom m'a complètement échappé, mais on n'oublie pas la directrice d'établissement de primaire, je crois, qui s'est donné la mort il y a quelques semaines parce qu'elle n'était pas soutenue, parce qu'elle était littéralement seule. Donc effectivement, le harcèlement dans sa globalité, c'est un énorme problème. Mais oui, tu me parlais aussi des situations qu'on rencontre quand on est professeur ou dont on est spectateur aussi, parce c'est que ça. Malheureusement, on peut souvent être impuissant face à certaines situations. Et effectivement, ça peut être assez difficile à aborder, ça peut être difficile de savoir comment réagir parce qu'on n'est pas préparé. Là, je vais parler en tant qu'ancienne enseignante. C'est pas quelque chose auquel on est préparé, on n'a pas de formation spécifique. Enfin, moi, je parle, mon expérience d'enseignante date de 2015-2016, donc ça commence à remonter tout doucement. Il me semble d'ailleurs, avec l'émission qu'on a faite l'an dernier, on avait reçu une chef d'établissement de Jeanne d'Arc, si je ne me trompe pas, qu'il mette tout doucement des ateliers en place pour comprendre, pour dépister, pour réagir. Mais c'est vrai que on ne sait pas forcément quoi faire, on ne sait pas forcément quoi dire, on est démunis. Après, on se retrouve face à beaucoup, beaucoup de situations très délicates, comme par exemple avec des enfants d'origine ethnique différente et là où certains élèves essaient de faire preuve de racisme. Enfin, genre, j'ai entendu des « oui, vous m'avez donné une mauvaise note parce que je suis arabe ». Non, tu n'es pas arabe, tu es un élève, point barre. Mais voilà, il faut savoir limiter un cadre, il faut savoir reconnaître les choses. Mais après, il y a aussi ce qui se passe dans la classe, quand le professeur est présent, mais il y a aussi ce qui se passe en dehors de la classe, dans la cour de récréation, ou sous le nez des surveillants, ou en dehors des surveillants, parce qu'ils n'ont pas que ça à faire, d'être constamment sur le dos de chaque élève. Donc encore une fois, c'est tout un engrenage, c'est tout un ensemble, c'est plein de choses qui font que le harcèlement, c'est nécessaire de l'éradiquer, mais c'est très très compliqué d'y remédier. Formons nos professionnels, une petite parenthèse comme ça, mais je pense qu'une fois que le corps enseignant voilà, commencera à être formé, à savoir comment réagir, ça pourra commencer à aider peut-être les choses. Mais alors, il y a quelque chose vraiment qui n'aide pas aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux, parce que le harcèlement, comme tu le dis, Lou, eh ben, il ne s'arrête pas à l'école, hein, il continue encore après, et les réseaux sociaux, eh ben, c'est vraiment une catastrophe, hein, avec ce harcèlement qui continue jusqu'à la maison. Est-ce que ça s'est passé un peu comme ça pour toi, Cosmos? Pas du tout, parce que mes parents m'ont interdit les réseaux sociaux quand j'étais au collège. Mais ils ont bien fait. J'avais juste un petit portable tactile avec 800 musiques dedans. Je pouvais prendre des photos, écouter de la musique et appeler mes parents, le strict nécessaire. Oui. Mais je voulais pas aller sur les réseaux sociaux parce que quand j'entendais parler des réseaux sociaux, des bêtises qu'il y avait sur les réseaux sociaux, je ne voulais pas y aller. Je voulais rester dans mon petit coin pour oublier le harcèlement scolaire et profiter de la vie. Même si c'était pas évident de profiter de la vie avec le harcèlement à l'école. Comment ça se passe pour toi? C'est quoi le déclic qui te dit, voilà, là c'est bon, stop, ça suffit le harcèlement? Est-ce qu'il y en a eu un déclic pendant que tu étais encore scolarisée, ou est-ce que ça s'est passé vraiment une fois que ta scolarisation était terminée, tu as seulement commencé à en parler? Si c'est clair, ma question. En quatrième, j'ai commencé à écrire en écoutant, je crois que c'était Section d'Assaut à l'époque, en 2013. Donc j'ai commencé à écrire sur des textes qui ressemblaient à peu près à ce groupe-là. Oui. Et j'ai eu le cran de présenter un texte en musique. La prof, elle a bien aimé, donc elle a gardé le texte. Mais après le cours, on m'a pris dans les casiers, on m'a dit « t'as pas le droit de chanter ». D'accord. T'as pas le droit d'écrire, t'écris comme une merde, tu rappes comme une merde. Ouais. Donc, à ce moment-là, on a la trouille. Je me dis, bon, bah tant pis, je vais faire ça de mon côté. Et je continue à faire ça de mon côté jusqu'à ce qu'en 2014, je découvre Grand Corps Malade, le slam. Et vu que j'étais plus à l'aise en slam, je me suis dit, voilà, je vais faire slammer. Ouais. Je vais pas faire rappeur avec les grosses bagues où je dis « wesh alors », non, ça m'intéresse pas. On a bien compris ça. Il y a un numéro que vous pouvez faire, un numéro qu'il ne faut pas oublier, c'est le 3020. C'est le numéro que vous pouvez appeler si vous êtes victime de harcèlement. C'est complètement gratuit et c'est surtout anonyme. Ne restez pas surtout enfermé dans cette situation qui vraiment peut dégénérer très très vite. On le voit aujourd'hui, on en parle de plus en plus, mais ça fait très longtemps, à mon avis, que ce fléau existe. Mais aujourd'hui, voilà, les tabous se lèvent un petit peu. On parle plus dans l'actualité de ce qui se passe, mais ça reste toujours quand même dramatique ce qui se passe. Il y a des enfants encore aujourd'hui qui se suicident à cause du harcèlement. Et il est temps de dire stop à tout ça. Et oui, il est temps de dire stop. Je suis entièrement d'accord, hein. C'est pour ça que j'ai fait ce EP. Eh bien, on te remercie en tout cas, car grâce à toi, on en parle aujourd'hui à la radio et on en parlera demain, on en a parlé hier. Et voilà, c'est grâce à ce projet que l'on peut le faire aujourd'hui. On te remercie beaucoup, Cosmos, pour ça. Nous allons nous lancer tout de suite dans une deuxième bulle de son. Il s'agit d'une chanson de Maëlle, l'effet de masse, hein, que tu nous as suggéré, Cosmos. De quoi ça? Ça parle forcément de harcèlement, mais comment tu as connu cette chanson? Alors, c'est une association auquel j'ai adhéré. Donc, l'association s'appelle Les Souffres-Douleurs de l'École. Et ils ont partagé ça sur Facebook. Et vu que j'avais vu Maëlle à The Voice, quand j'ai vu cette publication, je me suis dit, tiens, je vais écouter. Alors, j'ai mis la musique à fond dans mon studio. Et vraiment, c'est frappant. J'ai reconnu la plume de Calogero. Et vu que c'est la plume de Calogero, alors là, ça a été le coup de cœur. Oui. Parce que Calogero, c'est un de mes artistes d'enfance. Ah, ben voilà, ça remonte de bons souvenirs. On écoute Maëlle, l'effet de masse, tout de suite et on se retrouve juste après. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, oui, tu l'as déjà vu. Partageait ton cœur dans les matins méchants. Tu riais de lui car il était différent. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire. Dans la vie ou dans les bruits de couloir. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans les couloirs d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous classe et nous isole. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse qui nous classe et nous isole. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui qui passe, mais son nom je sais plus. Qu'est-ce qu'on peut être idiot quand on est plus nombreux? Je l'avoue, le cœur gros, oui, j'ai ri avec eux. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire, dans la vie ou dans les bruits de couloir. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans les couloirs d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et qui nous cogne. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Il était à l'écart et on était plusieurs. Il faut un faire-valoir pour se sentir meilleur. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, on ne l'a plus jamais vu. Vous êtes toujours sur Radio Guémozo aujourd'hui, eh bien, nous sommes bien accompagnés. Hein, avec nous, Cosmos qui vient nous parler une nouvelle fois de sa lutte contre le harcèlement scolaire et Lou qui l'accompagne très gentiment, qui m'accompagne dans l'animation de cette émission. Ça va toujours ? Ah bah oui. Eh ben voilà, c'est super. Mieux que jamais. Eh bien oui, on lève des tabous aujourd'hui, donc forcément nous, eh bien on se sent bien parce que d'en parler tous ensemble, eh bien forcément on ne peut être que plus fort et surtout, eh bien notre force c'est de vouloir aider, eh bien tous les enfants qui sont victimes de harcèlement et toutes les personnes qui en sont victimes dans sa globalité, même si le harcèlement est vraiment propre à chacun hein, dans la façon dont on le reçoit. Et justement, tu voulais nous parler de diverses définitions du harcèlement qui existent. Oui, parce que le harcèlement scolaire, c'est une violence qui repose sur le silence, mais qui a plusieurs formes. On ne peut pas parler de harcèlement sur un cas précis. Parce que le harcèlement scolaire, c'est une violence à la fois physique et mentale aussi, comme les insultes, les surnoms qui peuvent être racistes ou très dévalorisants pour la personne qui subit ce genre d'insultes. Tout à fait. Et n'importe quoi peut être un prétexte de harcèlement. Comme par exemple le fait d'être un homme trop efféminé ou l'orientation sexuelle, n'importe quelle différence, même différence ethnique, religieuse ou un handicap même, si on est handicapé mentalement ou physiquement, on peut être harcelé. Ou on est trop blanc, on a des lunettes, on est trop gros, trop maigre, etc. Original. On en a tous subi, malheureusement. On entend toujours nos parents ou les adultes autour de nous parfois nous dire que les enfants, de toute façon, entre eux, c'est méchant. Mais je pense que ça ne doit pas être une réalité. Surtout, ça ne doit pas être ce que l'on doit vivre en tant qu'enfant au quotidien. Respectons-nous et tout ira pour le mieux. Parce que ce qui est dangereux avec le harcèlement, c'est que ça marche sur la répétition. Activité, oui. C'est bien comme ça. tous les jours, on lui répète plusieurs fois qu'il est nul, qu'il est ci, qu'il est ça. Ou on le rackette parfois. La victime peut subir le rackette, mais là, c'est du harcèlement très, très sévère. Mm-hmm. Et ça peut avoir des conséquences mentales énormes pour la personne. Mais oui, parce qu'elle peut perdre confiance en elle. Elle se dévalorise tout le temps et elle perd goût à la vie, elle déprime. Bien sûr, et ça peut aller jusqu'au suicide. Si les réseaux sociaux s'en mêlent, alors là, ça multiplie fois 1000. J'exagère à peine parce que les réseaux sociaux, c'est ouvert, ça n'a pas de limite. Alors si le harcèlement n'a pas de limite, alors là, c'est une catastrophe. Pour la personne, c'est une catastrophe et... ça peut aller au suicide, voire même à des développements de maladies à la fois physiques et mentales. Tout à fait. Mais oui, à force de s'entendre répéter toutes sortes de choses, hein, de se faire dégrader tous les jours, psychologiquement, c'est très difficile, même pour quelqu'un qui vit dans une famille, qui l'accompagne, etc. Personne n'est à l'abri et forcément, ça laisse des séquelles. Et voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Des séquelles et des cicatrices irréversibles, ça, c'est sûr. Alors, comment on fait pour, tu nous le disais dans ta présentation, comment repérer et lutter contre ce harcèlement? Alors, s'il y a le silence qui s'en mêle, alors là, c'est très, très difficile. Parce que le harcèlement, il peut aussi avoir le harcèlement sexuel, ça peut être sous n'importe quelle forme. Et si on banalise une forme du harcèlement, on peut passer à côté du harcèlement, genre une petite tape... un petit peu insolente, on va se dire « Oh, c'est juste une petite taquinerie », alors que ça peut être du harcèlement. Mmh. Repérer le harcèlement, si la victime se tait et si les témoins se taisent aussi, c'est très compliqué de le détecter à l'œil nu. Oui. C'est très compliqué. Je pense d'ailleurs qu'il est important de dire quelque chose, du moins moi, c'est comment je le vois, c'est mon ressenti. Il y a un énorme problème avec le harcèlement, en plus d'avoir du mal à l'éradiquer, c'est le reconnaître, justement. Parfois, quand on est dans une situation, on a tendance à se dire que c'est normal. Enfin, voilà, ce qu'on vit, c'est normal. Alors, sans jeter la pierre à qui que ce soit ou sans dédouaner qui que ce soit, je pense qu'il est important de se dire qu'une victime ne se rend pas forcément compte qu'elle est harcelée. Mais un harceleur ne se rend peut-être pas non plus forcément compte du mal qu'il est en train de faire. Il ne rentre pas chez lui en se disant « Youpi, j'ai harcelé aujourd'hui ». Alors, j'imagine que c'est peut-être un mal-être ou certaines choses, sans chercher d'excuses. Mais c'est vrai qu'il est important de se dire que tant la personne qui subit que la personne qui fait subir ne se rendent pas forcément compte. Et forcément, si les deux ne se rendent pas compte, il est facile aussi de se dire que les témoins ne se rendent pas compte non plus. Oui. Alors, est-ce que c'est une raison pour baisser les bras? Bien sûr que non. C'est très important dans ce cas de se dire « Ok, alors comment ça se fait que ce genre de situation-là, on les banalise, on les normalise, on se rend pas compte, qu'est-ce qu'il faut faire pour réagir, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas que ça se reproduise, enfin voilà, et mettre des choses en place et autant suivre de manière assez intensive les victimes de harcèlement. Je pense que c'est important aussi de suivre les personnes qui causent les harcèlements pour ne pas que ça se reproduise et peut-être que si elles sont à leur tour témoins de situation, qu'elle sache elle aussi comment aborder les choses pour que la situation cesse. Voilà, que ce soit vraiment un problème abordé dans toute sa globalité. Mais tout à fait. Qu'est-ce que l'État français fait aujourd'hui pour améliorer les choses quant au harcèlement scolaire? Récemment, j'ai entendu parler que l'éducation nationale commence à s'intéresser sur à propos de la problématique du harcèlement. Et le Premier ministre a annoncé qu'il va mettre en place une batterie de nouvelles mesures qui comprend des kits pédagogiques à destination des enseignants, ainsi que 10 heures de sensibilisation par an pour les classes de CP jusqu'à la 3e. D'accord. Alors ça me fait plaisir parce qu'au début, les seules personnes qui ont commencé à proposer des guides à propos du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement scolaire, c'est Nora Fraisse. D'accord. Celle qui a créé l'association Marion la main tendue suite au suicide de sa fille à cause du harcèlement. Et c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui parce qu'elle m'a retweeté quand j'étais amateur sur YouTube. D'accord. Est-ce que tu as pu rencontrer des associations, des acteurs qui se battent contre le harcèlement scolaire? J'ai rencontré Monsieur Banzet, l'éditeur de l'édition Qui vivra verra. Et il a édité le livre Silhouette noire d'Elena, qui parle à la fois du harcèlement scolaire et aussi du viol dans l'enceinte du collège, parce qu'elle s'est fait violer dans son collège, la fille en question. D'accord. Alors, petit point grammatical, excusez-moi, tant pour toi que pour les auditeurs, on ne se fait pas violer, on se fait couper les cheveux parce qu'on le demande, mais elle a été violée parce qu'elle ne l'a pas demandé. Voilà, c'est là juste la petite parenthèse grammaticale qui me tient profondément à cœur. Bien sûr, bien, merci à toi Lou. Et vu que M. Banzet a entendu parler de ce que je faisais, je suis allé rencontrer cet homme qui est très engagé dans cette cause. Et c'est grâce à lui qu'on a fait l'intervention au lycée d'Arol. D'accord. Et c'est grâce à plusieurs personnes que j'ai rencontrées, à la fois dans le domaine artistique que dans le domaine engagé dans la lutte contre le harcèlement scolaire, que j'ai réussi à avancer. D'accord. Donc on voit que différentes choses sont mises en place pour former les enseignants, hein, sensibiliser toutes les équipe éducative qui s'occupe de nos enfants. Alors c'est un petit pas, mais c'est déjà un premier pas, hein. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir, et j'espère que ça continuera et qu'enfin un jour on pourra se débarrasser de ce fléau, et comme tu le disais Lou, peut-être en aidant bien sûr les victimes et aussi les harceleurs pour comprendre d'où vient un petit peu ce mal qui les envahit. On va tout de suite écouter une troisième chanson, tout de suite sortie de ton EP Cosmos, plus que des paroles. Il s'agit de 13. Alors, de quoi elle parle cette chanson, 13? Alors, 13, dans ce titre, je rends hommage à la fille de Nora Fraisse, Marion, d'accord, qui s'est suicidée le 13 février 2013 à 13h à 13 ans. D'accord. Et vu qu'il y avait des 13 partout, je me suis dit, on va nommer ça 13. C'est pas une référence à Indochine. Beaucoup de personnes croient que c'est un hommage à Indochine, alors d'accord, que non. Non. C'est un hommage à la fille de Nora Fraisse. D'accord, on écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. J'ai senti comme un coup de poignard. J'ai pleuré devant ton histoire. Le point commun entre nous deux, c'est qu'on a vécu le désespoir. Les insultes continuaient sans cesse, seul devant ton ordinateur. Face à la peur, tu te cachais, tu te vidais de tes pleurs. Puis un jour, tu es parti, laissant ton corps sans vie. Dans ta main, tes derniers mots, où tu racontais tous tes mots, tous tes mots, tous tes mots, tous tes mots. Ça s'est passé le 13 février 2013. Marion, 13 ans, tu nous as quittés. t'oublieras jamais. Tes parents se sont battus pour que la vérité émerge et qu'elle soit enfin entendue. Les ravages du harcèlement scolaire doivent être combattus. À l'école, sur internet, les langues sont parfois détendues. Les insultes, les intimidations, un cocktail qui a provoqué une explosion. Certains feraient bien de se poser quelques questions. Les actions ont toujours une répercussion. Malgré le silence coupable de certains, Marion, tu n'es pas morte pour rien. Malgré le silence bruyant de certains, Marion, tu n'es pas morte pour rien. Ça s'est passé le 13 février 2013. 13h. Marion, 13 ans. Tu nous as quittés le 13 février 2013. 13h. Marion, 13 ans. Ça s'est passé le 13 février 2013. Ça s'est passé 13h. Marion, 13 ans. Tu nous as quittés le 13 février 2013. Ça s'est passé 13h. Marion, 13 ans. Nous sommes toujours sur Radio Guémozo 107FM avec Cosmos et Lou, avec qui nous parlons aujourd'hui de harcèlement scolaire, en tout cas de sa lutte contre le harcèlement scolaire. Et avec nous au téléphone, Catherine, coprésidente de l'association Marcellement. Catherine, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ben, écoutez, ça va très bien. Je vous remercie. Eh ben, c'est nous qui vous remercions de participer aujourd'hui à cette émission exceptionnelle diffusée pour lutter contre le harcèlement scolaire. Alors, votre association a été créée, il me semble, donc il y a 2 ans pour accompagner les victimes. Oui, c'est bien ça. Elle a été créée à la demande de ma fille, Chiara, qui a 14 ans aujourd'hui et qui a été harcelée en 6e. Qui n'a pas trouvé soutien auprès des adultes, ni dans sa famille, ni dans son établissement scolaire. D'accord. Et un an après ce qui lui est arrivé à elle, un jeune homme de 3e s'est suicidé pour dire stop à tout ce qu'il subissait au quotidien. D'accord. Et à partir de ce moment-là, Chiara a décidé que c'était trop et qu'il fallait créer une association pour que enfin ces jeunes soient crus. Mais oui. Et puis aussi, par extension, pour que leur famille ne se retrouve pas toute seule, pour savoir quoi faire quand ça arrive, etc. Voilà pourquoi nous avons créé cette association il y a 2 ans. On en parlait justement au début de cette émission. Il est important peut-être de donner des conseils à ces parents qui ont des enfants victimes de harcèlement scolaire. Qu'est-ce qu'on fait quand notre enfant est victime d'harcèlement scolaire et que l'on n'est pas soutenu par l'ensemble scolaire justement ? Alors déjà, la première chose à faire, je crois, et j'en parle librement parce que je ne l'ai pas fait, donc mm-hmm. c'est encore plus facile de donner ce conseil après coup, mm-hmm. c'est de croire son enfant. Un enfant qui dit « je vais mal, j'ai trop mal au ventre, je ne peux pas aller à l'école aujourd'hui », il faut accepter ça et lui permettre ce droit de retrait et le temps pour nous de comprendre ce qui se passe. Donc première étape, je crois mon enfant et je le mets à l'abri. Je le mets à l'abri parce qu'il est trop précieux. Après, on l'écoute. Bien sûr, c'est difficile d'écouter son enfant nous dire à quel point il vit un calvaire au quotidien, quel que soit, j'allais dire, ce qu'il subit, que ce soit des brimades mentales ou des coups physiques. C'est très difficile pour une maman ou pour un parent d'entendre ça et de surtout ne pas s'être rendu compte plus tôt pour le protéger. Mais tant pis, j'allais dire, il faut prendre sur soi et l'écouter jusqu'au bout, nous faire la liste infinie de tout ce qu'il a subi. C'est important qu'il se libère de tout ça. et qu'on ait une conscience la plus large possible des faits qu'il a vécu. Donc ça, c'est une étape un peu douloureuse à vivre en famille, mais il faut passer par là. À partir du moment où on a pu récupérer tout ça, eh bien, on y voit aussi un petit peu plus clair sur ce qu'on peut faire. J'allais dire, la première chose à faire après, c'est probablement de s'entourer de professionnels, ne pas rester seul dans un moment comme celui-là, à la fois pour apporter un soutien psychologique à son enfant et à la fois pour trouver en tant qu'adulte, j'allais dire, du réconfort et un appui sérieux sur les différentes démarches à mener. Alors, pendant 2 ans, nous, on a envoyé les familles vers le 30-20, qui est ce numéro national mis en place indirectement par l'Éducation nationale pour venir en aide aux victimes et aux familles des victimes. On ne le fait plus aujourd'hui parce qu'il y a trop d'abandon, parce qu'il y a trop de mauvaises réponses données par le 30-20. Mmh. Donc aujourd'hui, nous, on conseille aux familles de se tourner vers l'association France Victimes de leur département. C'est très facile à trouver. Il y a un numéro qui est le 116-006 et qui vous oriente vers un soutien psychologique pour votre famille et pour la famille si elle en a besoin, et un soutien juridique pour mener les démarches vis-à-vis de l'établissement scolaire, de la hiérarchie de l'établissement scolaire, voire déposer plainte si besoin. Donc voilà, croire son enfant, le mettre à l'abri des violences, c'est-à-dire ne pas hésiter à le garder à la maison avec le soutien de son médecin et s'entourer d'un professionnel qui est France Victime. Je dirais que j'ai bien résumé ce qu'il faut faire quand on a un enfant victime de harcèlement scolaire. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Est-ce que Cosmos, ça te parle, toutes ces informations ? Bah, tout est dit là. Oui. Là, je n'ai rien à dire, tout est dit là. Tu nous parlais juste avant d'une méthode, la méthode PICA. C'est ça? Alors, est-ce que vous connaissez, vous, Catherine, cette méthode? Oui, alors la méthode PICAS, elle est largement mise en place dans les pays scandinaves qui ont une toute autre culture que la nôtre, hein, de l'enfant et des violences. C'est une méthode de prise en charge du harcèlement scolaire. Il y a quelque chose qui... Cosmos, mais il y a quelque chose qui me dérange un peu dans cette méthode. C'est qu'on attend que le harcèlement se soit mis en place. C'est-à-dire que c'est une méthode de prise en charge du harcèlement, pas une méthode de prévention. Et j'allais dire, une fois que le mal est fait à la victime, il ou elle, va passer beaucoup de temps à reconstruire l'estime de soi qui est complètement démolie. Alors, en ce qui nous concerne, au sein de Marcellement, bien évidemment qu'on assure la promotion de la méthode PICAS auprès des établissements scolaires pour la prise en charge, mais plus que ça, on assure la promotion d'une méthode, alors qui porte pas franchement de nom, et c'est bien dommage, peut-être, on est en train d'y réfléchir. C'est une méthode qui a été mise au point par le service des sciences de la famille de l'université de Mons, en Belgique, qui est mise en place dans les établissements scolaires belges francophones depuis 2009, donc ça fait 10 ans maintenant qu'on a un retour d'expérience, et un retour d'expérience très efficace, et qui consiste, alors, c'est un peu plus large que ça, mais qui consiste à minima par la mise en place de groupes de parole protégés au sein des classes d'empêcher la répétition de la violence. Oui. Il est parfois difficile d'empêcher la violence, d'empêcher l'incident violent, mais par la mise en place de ces groupes de parole qui consistent à écouter l'émotion des enfants, eh bien, on peut résoudre, les enfants eux-mêmes, régulés par l'adulte, peuvent résoudre le problème de violence qui se montre à eux et ainsi empêcher la répétition, donc empêcher le harcèlement et donc empêcher la destruction de l'identité de l'enfant victime. Donc cette méthode PICAS, ok pour prendre en charge une fois que c'est là, mais si on pouvait aussi faire en sorte que ça ne soit pas là, que le harcèlement scolaire ne s'installe pas, ce serait encore mieux. Voilà. Bien entendu. Effectivement, je vois que vous avez aussi traité le problème dans sa globalité, du moins c'est ce que vous essayez. Après, bien entendu, vous l'avez aussi vécu de manière assez proche, Catherine, surtout concernant votre fille et son camarade décédé. Et dites-moi, alors pour mettre les choses concrètement en place, j'imagine que vous créez des ateliers avec des établissements scolaires, avec des parents. Est-ce que la mise en place justement de ces ateliers, de ces groupes de parole, ça a pris du temps ou c'était plutôt où vous avez été plus facilement entendu? Alors oui, ça a pris du temps, d'autant que ça ne faisait pas partie de nos missions premières. C'est-à-dire qu'on ne s'imaginait pas avoir une légitimité à entrer dans un établissement et à parler de harcèlement scolaire. On n'était pas, je vais dire, des professionnels du sujet. Donc au départ, nos missions, c'était recevoir, accueillir la victime, l'écouter et accompagner sa famille. Et puis très vite, on a été contacté par des établissements scolaires et peut-être plus surprenant, par des municipalités qui souhaitaient apporter réponse aux différentes familles qui leur posaient des questions en matière de harcèlement scolaire. Donc petit à petit, mais j'allais dire assez rapidement quand même, notre association a répondu présent à ces appels d'établissements scolaires ou de communes, j'allais dire afin d'organiser des ateliers, on va dire, de sensibilisation au harcèlement scolaire au travers le témoignage d'une victime. Donc le plus souvent, c'est Chiara, du haut de ses 13-14 ans, qui est allée, j'allais dire, affronter le regard d'autres enfants, plus ou moins jeunes, et d'exposer ce qu'elle avait vécu et d'essayer avec eux, dans un jeu de questions-réponses, de les amener à prendre, à prendre en considération qu'ils peuvent arrêter le harcèlement s'ils le veulent, que c'est alors à portée de main. Et puis très vite, on s'est rendu compte d'une chose, c'était que sensibiliser les enfants, ce n'était pas très utile, parce que les enfants savent ce que c'est le harcèlement scolaire. Ils sont tous concernés par le harcèlement scolaire. Soit ils en sont victimes, soit ils en sont auteurs, soit dans le plus grand nombre, ils en sont témoins. Donc quand on dit il y a 10% des enfants touchés par le harcèlement scolaire, c'est faux. 100% des enfants dans un établissement scolaire sont concernés par le harcèlement scolaire et vivent ses conséquences. Et on arrivait en espérant leur expliquer ce que c'était. Alors, c'était un peu illusoire. Donc, assez rapidement, on a souhaité, nous, sensibiliser les adultes plutôt. Les parents, leur permettre d'être plus vigilants et d'être plus à l'écoute de signes qui pourraient nous faire dire « Oh là, attention, mon enfant ne va pas bien et voilà pourquoi il ne va pas bien ». Et aussi les adultes des établissements scolaires. De façon à ce qu'ils ne restent plus témoins silencieux, eux aussi. Parce que c'est le constat qu'on avait fait pour Chiara, pour Christopher, mais pour d'autres, j'imagine que Cosmos peut dire la même chose par rapport à ce qu'il a vécu aussi. Le harcèlement scolaire ne se vit pas exclusivement à l'abri des regards des adultes. Non, les adultes sont là, ils voient, ils entendent, mais comme beaucoup d'enfants, ils restent témoins silencieux. Et en restant témoins silencieux, ils se rendent complices de harcèlement. Et le plus souvent parce qu'ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas quoi faire pour l'empêcher. Alors on a commencé, Chiara, elle aussi, encore une fois, du haut de ses 14 ans, a commencé à aller sensibiliser les adultes des établissements scolaires ou des municipalités à accepter d'être un témoin de harcèlement scolaire. C'est une première étape, c'est pas facile de se dire effectivement je suis témoin de quelque chose qui n'est pas acceptable, et deux, de savoir quoi faire quand on est témoin. Voilà. D'accord. Eh bien, dis donc, alors on parle de signes qui alertent, qui devraient alerter les parents ou l'équipe enseignante. Quels sont les signes qui doivent nous mettre la puce à l'oreille quant à l'état de notre enfant? Alors, ils sont différents selon si on est enseignant ou si on est parent. Oui. Si on est enseignant, j'allais dire le premier signe serait peut-être le retrait, la mise en retrait de l'enfant. D'accord. Un enfant qui, participe comme tant d'autres, qui petit à petit va s'effacer, et va s'effacer aussi dans sa posture, va se replier sur lui-même, va se coller contre le mur, va rechercher le fond de la classe plutôt que le devant, va se sentir très mal à l'aise quand il sera interrogé ou devra parler devant la classe. Alors évidemment, ça a pour conséquence la plupart du temps cette baisse de participation, une baisse de l'écoute, de la concentration et donc des résultats. Oui. Donc voilà, le comportement d'un enfant qui change à ce point dans la classe devrait alerter un enseignant et devrait lui permettre de s'approcher de lui et de lui permettre de parler quelques instants sur pourquoi il est plus en retrait. À la maison, c'est différent. Cette mise en retrait, elle peut se vivre, son enfant peut s'enfermer de plus en plus dans sa chambre et refuser de parler aux adultes, même de façon agressive. Mais j'allais dire, à la maison, on va constater de plus en plus de signes de somatisation, difficulté d'alimentation, soit l'enfant ne mange plus ou très peu, soit au contraire, il mange tout, il se jette sur des aliments doudous qui le réconfortent, donc des choses très sucrées, très, très salées, très grasses la plupart du temps. Son enfant qui de plus en plus a du mal à dormir, Donc refuse d'aller se coucher tôt, se réveille dans la nuit, victime d'insomnie. Ça, c'est un signe aussi. Premier signe de somatisation, j'aurais dû en parler avant, pardon, c'est le mal de ventre. Oui. Et là, il est visible tant dans l'établissement scolaire qu'à la maison. Un enfant qui va se réfugier régulièrement à l'infirmerie parce qu'il a mal au ventre, c'est suspect. Oui. À la maison, c'est pareil. Un enfant qui évoque le mal de ventre pour avoir des difficultés à aller à l'école le jour même ou le lendemain, ça doit être suspect. C'est-à-dire que c'est vraiment le constat d'un stress qu'il n'arrive pas à éliminer. Et là, il devient urgent d'en parler. Après, il y a d'autres signes de somatisation, mais les premiers, c'est ceux-là. Et la plupart du temps, je suis désolée pour les mamans, mais la plupart du temps, va commencer à naître une grande agressivité entre l'enfant, l'adolescent et la maman. Parce que, alors pourquoi je dis la maman ? Parce que le plus souvent, c'est elle qui, j'allais dire, accompagne vers l'école, qui suit les devoirs, qui pose les questions sur le bien-être à l'école. Et son enfant le sait et du coup va se rebeller contre cette maman qui le pousse à aller vers l'école alors qu'il y vit un enfer, quoi. Donc cette agressivité envers la maman peut aussi être un signe. J'allais dire, en fait, tout ce qui en général est résumé par la crise d'adolescence. Oui. C'est un mot qu'on utilise le plus souvent pour décrire ce comportement d'adolescent ou de préadolescent. Ben non, la crise d'adolescence, ça n'existe pas. Un enfant qui s'exprime de cette façon-là, c'est que quelque chose va mal. Alors, ça ne veut pas dire que forcément il est harcelé à l'école, mais il peut l'être puisqu'il y passe la moitié de son temps. Donc, ça vaut le coup d'être alerté et d'être en vigilance sur ces points-là, oui. Tout à fait. Est-ce que le harcèlement scolaire est un fléau qui prend de l'ampleur, hein, parce qu'on en entend de plus en plus parler avec cette actualité quand même dramatique, ou est-ce que c'est le tabou vraiment qui se lève de ce harcèlement scolaire ? Je dirais que c'est probablement les deux. Certes, c'est un tabou qui se lève grâce aux témoignages des victimes, grâce aux victimes courageuses qui acceptent de témoigner. Je crois que quand on ne l'a pas vécu en direct, c'est difficile d'imaginer à quel point il faut du courage à ces jeunes ou moins jeunes qui s'expriment sur ce qu'ils vivent ou sur ce qu'ils ont vécu à l'école. Ça leur demande un effort surhumain et ils ont décidé de le faire pour aider tous les autres qui restent silencieux. Donc ça, je crois qu'il faut le saluer. Donc ça, c'est clair que ça lève le tabou, d'autant que d'autres l'ont levé sur des points assez similaires comme la violence faite aux femmes, les violences familiales, etc. Donc je pense que le chemin était déjà un peu tracé. Et puis aussi, parce qu'il faut reconnaître que le harcèlement a toujours existé. Nous, on a des témoignages de personnes qui aujourd'hui sont âgées et qui nous racontent leur harcèlement, même si le mot n'existait pas ou n'était pas employé à l'époque, d'il y a 40, 50 ans. Donc probablement que depuis que l'école existe, depuis que des groupes d'enfants vont à l'école, le harcèlement scolaire a même appelé autrement existé. Après, peut-être qu'il faut aussi accepter qu'il prend une ampleur aujourd'hui. C'est-à-dire que les violences sont peut-être, j'allais dire, plus importantes dans le sens où les enfants ont accès, j'allais dire, à des phénomènes de violence sur de nombreux médias. Et que cette violence dont ils sont témoins, alors de façon médiatique, mais aussi de façon réelle, depuis qu'ils sont tout petits à l'école, on laisse passer des actes de violence, et bien en grandissant, cette violence devient banalisée. Et alors, certains enfants aujourd'hui, peut-être, je dis bien peut-être, je n'en ai pas la preuve scientifique, mais peut-être se permettent des violences bien plus tôt et bien plus graves qu'il n'y a, j'allais dire, 30 ou 40 ans. Voilà. Ça, c'est un constat que l'on fait. C'est-à-dire que les témoignages d'aujourd'hui nous apparaissent plus violents que les témoignages d'il y a 30 ans. D'accord. Bon, après, ça n'a rien de scientifique, hein, ce que je vous dis. On ne peut pas se permettre de faire une étude suivie sur la question. C'est juste un constat des dizaines de milliers de témoignages qu'on a pu recevoir en 2 ans au sein de notre association. D'accord. Est-ce que vous proposez des actions avec votre association Marcellement sur tout le territoire, ou est-ce que ça ne touche qu'une partie de la population là où vous vous trouvez ? Non, on intervient sur tout le territoire. Notre association est basée à Rennes, à son siège social à Rennes. D'accord. Mais on intervient sur sur l'ensemble du territoire à partir du moment où on fait appel à nous. Ouais. Et ben voilà. On peut retrouver quelques informations sur votre site internet, hein, www.marcellement.org, lien que nous transmettrons avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui. Lou, Cosmos, est-ce qu'on a envie de rajouter des choses, de poser des questions à Catherine ? Alors là, honnêtement, on ne peut rien rajouter. Hein. Tout a été dit, là. Oui. La seule chose que je peux dire, c'est que je remercie l'association Marcellement pour son soutien sur les réseaux, notamment sur Facebook. Ok. Oui, je voulais aussi remercier Catherine de nous avoir accordé son temps, qui est à mes yeux extrêmement précieux, son temps, ses informations et aussi son témoignage. Dans tous les cas, Catherine, Radio Guémozo soutient activement l'association et toutes les autres associations qui luttent contre le harcèlement scolaire. Continuez comme ça, vous faites vraiment du bon boulot et dans tous les cas, merci. Merci beaucoup, Catherine. Et oui, merci. Non, c'est moi qui vous remercie, vraiment. Parce que ce que vous faites pour aider tous ces jeunes, c'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous ces précieux conseils et puis sur ces quelques informations précieuses hein, qui sont ce fameux numéro 116-006 ou Internet France Victime suivi de votre numéro de département pour retrouver tout ce que vous pouvez faire et trouver du soutien. Catherine, merci beaucoup de notre part à tous. Et puis on vous souhaite une merveilleuse continuation. Vraiment bravo pour votre combat et on embrasse bien sûr tous les enfants et toutes les personnes qui sont concernées par tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On va tout de suite se lancer dans un autre morceau qui s'intitule Plus que des paroles, un morceau encore une fois sorti de l'EP de Cosmos et on se retrouve juste après. Je tourne en rond, le temps s'est arrêté. Je suis comme un pion dans ce jeu d'échecs qu'il faut éliminer. Aucune vision, plus d'émotion. À quoi bon vivre si je ne vois plus rien à l'horizon? Un pied dans le vide, je trouve plus mon équilibre. Face à ton cercueil, une larme au coin de l'œil. Je me reproche le pire, je n'ai rien vu venir. Comme un tsunami qui a emporté ton dernier soupir. Perdu dans ce silence, torturé par ton absence. Il y a des jours où je me dis que ma vie n'a plus de sens. Étouffé par ma souffrance, je repense à ton enfance. À tous ces beaux moments qu'ils ont détruits par la violence. Plongé dans nos souvenirs, y retrouver ton sourire. Bloqué dans le passé, l'avenir est embrumé. Ta chambre déserte, tes dessins rêveurs, le noir et blanc, gomme, toutes tes couleurs. Plus le temps passe, ton parfum s'efface, les aiguilles du temps emportent toutes tes traces. Aucun médicament, aucun condoléant ne pourront me sauver du néant. Perdu dans ce silence, torturé par ton absence. Il y a des jours où je me dis que ma vie n'a plus de sens. Étouffé par ma souffrance, je repense à ton enfance. À tous ces beaux moments qu'ils ont détruits par la violence. Perdu dans ce silence, torturé par ton absence. Il y a des jours où je me dis que ma vie n'a plus de sens. Étouffé par ma souffrance, je repense à ton enfance. À tous ces beaux moments qu'ils ont détruits par la violence. Nous sommes toujours ensemble sur le 107FM, vous l'avez compris, hein, c'est une émission exceptionnelle consacrée à la lutte contre le harcèlement scolaire et avec nous eh bien, Cosmos et Lou qui nous font le grand plaisir de participer eh bien, à cette émission. Alors on a parlé de l'association Marcellement hein, dont on vous mettra le lien avec le podcast de cette émission. Il existe d'autres structures pouvant aider les victimes de harcèlement ou peut-être former. Je pense pense à la Ligue de l'enseignement d'Épinal, hein, qui, à travers son pôle associatif éducatif et le pôle de l'éducation et lien social, agit en matière de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement. Vous pourrez les contacter directement. Est-ce qu'il y a d'autres associations qui luttent contre le harcèlement? Bien sûr, et puis forcément, Cosmos, oui. tu en as une certaine liste, dont certaines qui te soutiennent. Or, quelles autres associations peux-tu suggérer aux auditeurs pour qu'ils aient peut-être un certain choix dans le suivi? Oui, dans le suivi ou simplement dans l'écoute, hein, parce que c'est bien aussi de peut-être se dire qu'il y a une association qui nous plaît plus ou qui sonne mieux, et oui, d'avoir un certain choix de... Comment dire, d'association. Et aussi, c'est vrai que si on envoie tout le monde sur la même association, les pauvres, ils n'arriveront plus à avoir le mot. Oui, c'est sûr. Bah, les associations contre le harcèlement scolaire se développent énormément. Et il y a pas mal d'associations qui me soutiennent, notamment l'association Marion la main tendue. D'accord. Qui m'ont soutenu depuis le début avec un retweet. C'est grâce à eux que je me suis fait repérer par mon prof de musique et qui m'a dit « Ah, bah, faut que tu chantes contre le harcèlement. Mm-hmm. » Marcellement, qu'on a eu au téléphone un instant. Et l'association Les Rubans Verts et les Souffres-Douleurs, auxquels j'ai adhéré récemment. Ils ont une page Facebook où ils mettent en avant leur combat contre le harcèlement scolaire. Mais ils ont aussi une page qui s'intitule Les Vergers des Harcelés, où... ils rendent hommage aux harcelés qui, malheureusement, ne sont plus de ce monde. D'accord. Et que l'on n'oublie pas. Et c'est pour ça que j'ai adhéré, parce que vraiment, ils sont à fond dans le combat. Tout à fait. Tu voulais vraiment... tu tenais à conclure cette émission avec ton expérience personnelle, ton témoignage. On t'écoute. Alors, ça va être un peu long, mais je préfère témoigner, donc... Ça a commencé en sixième, parce que en primaire, voilà, il y avait pas de souci de harcèlement. Et ça a commencé un peu en sixième, du genre, oh, le petit sixième, des petites choses un peu banales. Mais je m'en fichais un peu. Et cinquième, c'était un petit peu plus dur parce qu'il y avait la puberté, j'avais un nouveau corps, je me sentais mal dans mon nouveau corps. Mmh. Et on n'arrêtait pas de me faire des critiques, notamment avec l'acné, parce que j'avais pas mal d'acné à ce moment-là. D'accord. Et j'avais le droit à des petites moqueries de ce genre. Mais en quatrième, début quatrième, j'ai commencé à prendre un peu plus soin de moi, à accepter mon corps, donc ça allait à peu près mieux. Mais malheureusement, je suis tombé amoureux d'une fille. C'est beau, l'amour. Pourquoi, malheureusement? C'est la suite qui est malheureuse. Oui, oui, oui. Malheureusement, elle m'a friendzonée, c'est-à-dire qu'elle m'a dit « je t'aime bien en ami, mais pas en amour ». Donc, ça blesse. Sur le coup, je pensais que, voilà, on n'en parlerait plus. Mais j'avais le droit à des tags pornographiques sur mon casier. « elle t'aime pas parce que t'es une merde, on te le dit depuis la sixième que t'es une merde. Il a fallu qu'elle te dise non pour que tu te rends compte que t'es une merde ». Mmh. Alors, je pleurais parce que ça a vraiment touché mon amour propre. Ben oui. Et après, il y a une fille qui m'a dit moi, je t'aime bien. Et sur le coup, j'y ai cru. Donc, tous les jours, j'allais la voir, je lui parlais jusqu'au jour où je la vois avec mes harceleurs. Et je lui dis qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Elle me dit on parle de toi. D'accord. Et j'avais peur qu'elle parlait de moi dans le mauvais sens. Mmh. Et malheureusement, c'était dans le mauvais sens. Elle m'a clairement dit « Non, mais dis donc, t'as cru qu'on allait être ensemble, t'as cru que j'allais aimer une merde comme toi, un bâtardé comme toi, parce que ma mère est française et mon père portugais. Mmh. » Et on m'a sorti ce terme-là en disant « Voilà, t'es un métis, donc t'es un bâtardé, t'es un attardé, rien ne fonctionne chez toi, t'es juste une peau qui marche. » D'accord. Me qualifier de peau qui marchait sans pensée, sans qualité, sans rien. C'est violent, ça, non? Très violent. Une peau qui marche. Bon, on aura tout autant. Alors, après cet épisode-là, j'ai sombré dans une grosse déprime parce que je me suis dit, c'est vrai, personne ne m'aime, alors personne ne peut m'aimer. Mmh. Alors je me suis enfermé dans ma douleur, on va dire. Et quand j'en parlais aux adultes, ils me disaient « c'est juste des chagrins d'amour, ça va passer oui. ». Mais je ne leur ai pas dit ce qui s'est vraiment passé. Oui. Et j'aurais dû, parce que certains rigolaient en disant « mais voilà, ça passera, tu trouveras plus tard, le monde il est grand ». Mais justement, quand on me disait « le monde il est grand », j'avais l'impression que oui, le monde il est grand, mais en connerie. Donc je restais dans mon coin, sans parler, sans rien. On ne prenait pas tes sentiments en compte, c'est le sentiment que tu avais à ce moment-là, qu'on ne prenait pas tes émotions vraiment en considération. Oui, oui, on ne comprenait pas. Et en plus, vu que je suis hypersensible, je l'ai pris, mais x10. Violent. La violence, je l'ai pris x10. Et tous les jours, j'avais le droit à des critiques qui disaient « voilà, t'es mal habillé, t'es... » Que du négatif. Quand j'arrivais, c'était « voilà, il y a le merdeux qui arrive ». Ou en sport, alors je prenais tout le temps cher parce que j'étais choisi en dernier. J'avais quand même de bonnes notes parce que j'essayais de... Les profs voyaient que je travaillais, mais je détestais le sport parce que les populaires en profitaient pour dire « voilà, c'est nous les meilleurs ». J'étais rabaissé. J'avais juste le week-end où je pouvais profiter de la pêche avec mes amis parce que j'étais passionné de pêche. Et j'étais harcelé justement pour ça, parce que j'étais passionné de pêche et de lecture, et que je frappais pas dans un ballon, et que j'avais des allures de PD. Oui. D'après eux. Trop efféminé, trop gentil, trop sensible. Un gars qui fait du théâtre, pour eux, ben c'est un merdeux. Ils me le disaient haut et fort, même si j'avais des 20 en français, que tout le monde se battait pour m'avoir au théâtre pour seulement avoir le 20. On me disait, voilà, t'es un merdeux parce que le théâtre, c'est pas un métier. Alors qu'en fin de compte, si, c'est un métier. J'ai quand même eu un bac L spé théâtre et j'en suis fier aujourd'hui. Tu peux. Parce que le pire, ça a été en troisième, quand mon meilleur ami, malheureusement, a été en proie à la maladie. Je le dis dans Souvenir vivant. Oui. Et c'est le morceau le plus dur à chanter sur scène à cause de ce passage-là. Oui. Et je me suis senti vraiment seul. Parce que lui, il arrivait à me comprendre. Et au fur et à mesure où j'essayais de mentir pour cacher certaines émotions, il m'a clairement dit « ben, je vais te laisser tomber alors ». Et quand notre meilleur ami vous dit « bon, ben, je te laisse tomber », on se dit « bon, ben, ok, je suis tout seul au monde ». Et quand j'étais en seconde, avec tout ça, ben, ça s'est accumulé. Et j'ai fait des crises d'angoisse hyper aiguës et... C'est une crise d'angoisse qui est impressionnante parce qu'on fait une tentative de suicide sans le vouloir. D'accord. Alors, à la première, on a vraiment eu la trouille. Mes amis se demandaient ce qui se passait, quoi. Et je suis resté 5 jours à la maison et je parlais avec des psychologues et j'ai commencé à reprendre un suivi psychologique parce que j'en avais un en troisième. D'accord. Et malheureusement, au mois de mai, j'ai refait encore plus gros, une crise d'angoisse hyper aiguë encore plus grosse. Et là, il a fallu au moins 5 jours d'hospitalisation. D'accord. Mais là, tout le monde me prenait pour un fou. Je suis revenu au lycée, personne ne m'approchait parce qu'il me regardait comme un monstre. Et au fur et à mesure, j'ai parlé avec les psychologues et j'ai fait de l'hypnothérapie. Et quand je parlais du harcèlement scolaire, il me disait « ne cherchez pas, ça vient de là ». Et dans ma tête, je disais « non, j'ai oublié ». Et en fin de compte, non, ma conscience a oublié, mais pas ma conscience, pas mon inconscient. C'est toi qui as voulu mettre ça de côté et oublier, mais oui, ton voilà. Corps et ton esprit, lui, ben forcément, il a gardé toutes ses cicatrices. Parce que ma conscience a voulu oublier... Et c'est en faisant de la philosophie que j'ai réussi à comprendre la conscience, l'inconscient, le subconscient que j'ignorais avant et qui pourtant fait marcher la pensée et même la réaction de la personne. Et en écrivant sur le harcèlement scolaire, ça m'a permis de me guérir. Et j'ai voulu poster NAH sur YouTube. Et c'est là que l'association Marion m'a retweeté. Et que mon prof de musique a vu ce que je faisais et il m'a dit « Ah non, non, non, faut que tu fasses ça au concert, t'es obligé de le faire au concert de fin d'année. » Ah oui. Et Moi, j'avais peur et il me disait non, ne t'inquiète pas, on a tout prévu. S'il y a des problèmes ou quoi que ce soit, tu nous en parles. Tu as des psychologues à ta charge, tu as les infirmiers qui sont là pour toi. Il n'y a pas de souci, on est là avec toi. Oui. Et quand on fait le son devant ses amis, c'est magique. Eh ben oui. En plus, j'ai été filmé, donc forcément, ça a été partagé sur YouTube aussi. Et c'est là que l'association Airplay a vu ce que je faisais. Et c'est grâce à eux que j'ai fait le CD. On les embrasse. Donc gros big up à l'association Airplay. C'est un beau pied de nez, en tout cas, à tous ceux qui t'ont fait du mal, sans même peut-être savoir eux-mêmes pourquoi. Quand on est différent, eh bien, c'est toujours... un peu plus facile de se faire lyncher, mais la différence, malheureusement, oui. C'est tellement beau, la différence. Si on était tous pareils, ce serait horrible. C'est ça qui est beau, là, d'être différent. On apprend plein de choses de celui qui est en face de nous, parce qu'on n'a pas la même vision, on n'a pas le même corps, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, et cultivons cette différence. Oui, ben, je cultive cette différence, même si malheureusement, parfois... Il y a certaines personnes qui me montrent quand même certaines hostilités, même après le CD. Parfois, je me promène dans la rue et quelqu'un que je connais pas me fait un fuck. D'accord. Pendant tout le mois de février de 2019, où j'ai vu au moins 4 personnes me faire des fucks alors que je les connaissais même pas. Mais j'arrive à les laisser de côté, même si sur le coup, ça fait mal parce qu'on repense à toutes les insultes qu'on a eues au collège. Ça fait hyper mal, j'ai réussi à les mettre de côté. Mais bien sûr, tu es beaucoup plus fort que tout ça. Et puis surtout, aujourd'hui, tu as un but, c'est cette lutte contre le harcèlement. Et vraiment, tu as plein de talents, on le sait tous. Hein. C'est pour ça qu'on te suit et on remercie Lou, encore une fois, de t'avoir fait entrer une première fois ici à la radio. Et voilà, grâce à elle, on a la chance aujourd'hui de pouvoir te rencontrer, de pouvoir te suivre. En tout cas, on t'embrasse très fort. On te remercie beaucoup pour ce témoignage et toutes les actions que tu mets en place, et on te souhaite une très très belle route, et je n'en doute pas, elle sera merveilleuse. Merci. J'ai envoyé mon CD à Indochine et Soprano, donc j'attends leur réponse. Ben voilà. Et je suis allé voir Grand Corps Malade à Sion et je lui ai offert mon CD pendant les dédicaces. Je lui ai dit voilà, je suis slammer, et il a pris le CD, il a fait ok, j'écouterai ça. Alors là, c'était la bénédiction. Ce qui est bien, c'est que voilà, à travers toute cette expérience difficile que tu as traversée, aujourd'hui, ça te donne la force, une force et des projets inimaginables. Hein, parce que aller voir ces artistes, ces idoles, voilà, ces gens que l'on admire, peut-être que tu ne l'aurais pas fait si tu n'avais pas traversé tout ça. Et c'est peut-être l'expérience aujourd'hui qu'il faut en tirer. Et voilà, on te félicite encore pour ton combat. Merci. On vous invite à suivre toutes les associations dont on vous a parlé juste avant. On manquera pas de vous remettre encore une fois tous les liens des associations que Cosmos nous a transmis tout à l'heure. N'oubliez pas le 116 006 pour parler de tout ce que vous traversez, hein, qui nous a été gentiment confié par Catherine de Marcellement. Et puis on remercie beaucoup Lou de sa participation et de sa venue aujourd'hui à Radio Guémozo, et on espère à bientôt. Et oui, à bientôt, j'espère, dans tous les cas. Merci aussi. Je l'espère aussi, parce que j'ai pas mal de projets qui sont en cours, oui. Et j'espère qu'ils verront le jour. On te le souhaite. Et si des personnes sont intéressées pour écouter l'EP, vu qu'il est en rupture de stock en format CD, il est disponible sur Deezer, sur Spotify, iTunes, Apple, Google Play et même sur YouTube. Et encore d'autres plateformes, j'en passe YouTube, parce que... Oui. Il est disponible sur pas mal de plateformes, on va dire. Voilà. Cosmos, COSMOS, vous ne pourrez le manquer. On vous embrasse bien fort, à très très bientôt. Et puis à tous nos auditeurs, et bien surtout n'oubliez pas, c'est comme tous les jours, c'est bonheur, joie et rire à tous. Thank you.